Et c'est le livre, donc on va commencer premièrement avec l'introduction. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on commence maintenant, ou plutôt on reprend l'explication du livre « Ithaf al-Uqul » bi sharh thalathat al-usul » de le sharh de al-usul thalatha de Sheikh Ubayd al-Jabiri. Et on était arrivé au cours 20 dans ce livre, et on est arrivé dans le livre à l'endroit où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il commence à énumérer les différentes formes d'adoration ainsi que leurs preuves. On a déjà expliqué dans les cours précédents la preuve pour Ad-Dua, hein, pour l'invocation, et le fait que l'invocation fait partie des adorations. Et l'autre adoration qui est mentionnée ensuite, hein, قال المصنف رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. C'est-à-dire que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit la preuve de la crainte, c'est-à-dire la preuve que la crainte est une adoration et que ça fait partie des adorations qu'on doit, hein, comme toutes les adorations, rendre exclusives à Allah, c'est établi par le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. » Et c'est dans le verset 175 dans Surat Al-Imran. Donc bien entendu, le Cheikh il n'a pas mentionné toutes les preuves qui ont rapport avec Al-Khawf. Avec chaque adoration, il ne mentionne pas toutes les preuves, mais il mentionne une preuve parmi les preuves. Et donc, parmi les versets qui mentionnent la crainte et cet attribut, ou plutôt cette catégorie d'adoration, c'est ce verset-là, Al-Khawf. Et le Cheikh Ubayd, hafizahullah, il dit Al-Khawfu huwa shiddatul khashyati wal-hadar. Wa hadhihi al-aya nazalat ba'da Uhud. كما قال غير واحد من المفسرين حينما قال قائل إن قريشا يعدون لكم العدة لتستأصل شأفتكم قال الله فقال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياؤه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أخبر عز وجل أن مخافته وحده شرط في الإيمان أن مخافته وحده شرط في الإيمان وخافوني إن كنتم مؤمنين معنى ذلك أنكم إذا لم تخافوني فلستم بمؤمنين. Donc le Cheikh il explique que la crainte c'est يعني d'avoir peur, hein, une grande peur, et يعني d'avoir peur et de faire attention, hein, de faire attention. Et dans le verset ici, ce verset-là en particulier est révélé après la bataille de Uhud. Après la bataille de Uhud, et c'est ce que plusieurs parmi les savants de tafsir ont mentionné. Et Cheikh Ubayd, hafidhahullah, c'est un des ulama qui est spécialisé dans le tafsir. Et c'était son sujet de dans lequel il s'était concentré yani dans ses études. Donc il est très fort dans le tafsir. Et il mentionne donc ici que le verset en question était révélé après la bataille de Uhud, et ça a été mentionné par plusieurs parmi les savants de tafsir. Et c'est en particulier lorsque quelqu'un a dit Quraysh va revenir et ils vont se préparer pour venir, hein, vous exterminer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre ce verset là en disant ذَلْ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ. Hein, ceci n'est que le diable qui veut vous faire peur, hein. Il veut yani, ou bien que ses alliés vous font peur, ou bien qu'il veut vous apeurer par ses alliés, hein. Donc, qui veut, ça c'est deux façons dont les ulama de tafsir l'ont interprété ce verset-là. C'est-à-dire, c'est le shaitan qui cherche à vous effrayer par ses alliés, ou bien dont les alliés vous effraient. Donc c'est les deux explications, comme les deux façons dont ils ont interprété le verset. Puis dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc ne les craignez pas, mais craignez plutôt, craignez-moi plutôt, si vous êtes croyant. Et donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que de le craindre, c'est une condition. De le craindre lui seul, c'est une condition de la foi. Et il dit, وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, et craignez-moi si vous êtes croyant, c'est-à-dire que si vous ne me craignez pas moi seul, alors dans ce cas-là, vous n'êtes pas croyant. C'est ça ce que ça veut dire. Et le cheikh, il dit ici ensuite, وَالْخَوْفُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ, et la crainte, elle se divise en trois catégories. الأول خوف السر وهو خوف الإنسان من وثن أو جني أن يصيبه بمكروه وكذا خوفهم من الأوثان والمعبودات من أصنام وجن أن تصيبه بمكروه وهذا شرك أكبر لأنه علق قلبه بغير الله عز وجل وهدم أحد مقامات العبادة. Donc, la crainte, comme on a dit, elle est divisée en trois catégories. Et la première catégorie, c'est khawf sir. Qu'est-ce que ça veut dire? La peur secrète ou la peur cachée. Et qu'est-ce que ça veut dire, la peur secrète ou la peur cachée? Ou bien aussi, on peut dire peut-être même la peur mystique. Hein? C'est lorsque quelqu'un a peur d'une idole, ou qu'il a peur d'un djinn, ou qu'il a peur d'un sorcier, ou qu'il a peur d'un cheikh ou d'un marabout, hein? Ou qu'il a peur, par exemple, des idoles des mouchriquins, ou de ce que les mouchriquins adorent en dehors d'Allah, ou d'un djinn, que si, par exemple, il n'agit pas d'une certaine façon vis-à-vis de ces choses-là, il a peur qu'un mal lui arrive à cause de ça. Et des fois, les koufars et les mouchriquins, ils essaient justement d'effrayer les croyants en leur mentionnant leurs idoles. En disant, par exemple, fais attention, si tu dis des choses contre notre idole, ou si tu penses du mal de nos idoles, il va t'arriver un malheur. Nos idoles vont te frapper d'un malheur ou des choses de ce genre. Ou même parfois, parmi les chouyours, Sophia, tu vois ça. On dira, tu parles contre notre cheikh, même si le cheikh il est mort, enterré dans sa tombe, hein? On dira, tu penses du mal du cheikh, il va t'enlever ta foi, ou bien il va te frapper, ou bien il va t'arriver un malheur, hein? Fais attention, hein? C'est comme s'ils veulent t'effrayer, te menacent avec leurs idoles. Donc ça, c'est celui qui a cette peur là ou cette crainte là, ça fait partie du shirk akbar, ça fait partie du shirk majeur. Et la raison de ça, c'est parce que la personne qui a ce genre de peur, eh bien, il a accroché son cœur à autre que Allah, hein, par cette peur-là. Et ça vient détruire un des fondements et une des stations de l'adoration. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de crainte ou à ce genre de peur-là, parce que ça annule complètement la foi de quelqu'un. Hein. T'as pas le droit d'avoir peur des idoles, des mouchriquines, t'as pas le droit d'avoir peur des morts, t'as pas le droit d'avoir peur des djinns, t'as pas le droit d'avoir peur des sorciers ou des choses de ce genre, hein? Parce que ça c'est grave, c'est pas, même des fois il y a des sorciers qui vont peut-être même menacer des gens, si tu fais pas ce que je te dis, je vais te jeter un sort, ou je vais te faire ci et ça, puis tu vois la personne, elle obéit au sorcier au doigt et à l'œil, et elle fait tout ce qu'elle dit. Et donc ça veut dire que c'est rentré dans le shirk, parce qu'elle n'a pas mis sa confiance en Allah pour chercher sa protection, hein? Elle a plus peur d'une créature que d'Allah, et elle a oublié que peu importe qu'est-ce que le sorcier peut faire, il peut uniquement te faire ce que Allah a voulu et ce que Allah a écrit pour toi et rien d'autre. Donc tu dois mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas avoir peur d'autre que lui. La deuxième catégorie de crainte, النوع الثاني, hein, تركه الواجبات خوفا من الناس. تركه الواجبات خوفا من الناس ولا يدخل هذا درء المفسدة في ولا يدخل في هذا دار المفسدة أو فرض الكفاية الذي إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الآخرين لا ولكن واجب يتعين عليه فيتركه ويتنصل منه يعني فرق بين يتركه وبين يرجئه هذا النوع ينافي كمال التوحيد ينافي كمال التوحيد donc il dit il y a une autre catégorie de crainte c'est le fait que certaines personnes abandonnent une obligation parmi les obligations de la religion à cause qu'il a peur des gens par exemple il a peur d'un kafir ou de son patron au travail alors il va abandonner la salat il va pas porter la salat parce qu'il a peur ou bien une femme elle a peur des gens qu'est-ce que les gens vont penser d'elle si elle se voile donc elle va abandonner le voile par peur des gens ou bien des choses de ce genre elle a peur de se faire juger des gens ou elle a peur de ce que les gens vont penser d'elle si elle montre qu'elle est musulmane donc elle va abandonner des choses obligatoires et le cheikh il dit ici on parle pas du fait de repousser un mal quelconque ou d'une obligation qui peut être accomplie par une certaine partie des gens dans le sens que des fois il y a les ulama ils distinguent entre qu'est-ce qui est fardu ayn et fardu kifaya. Fardu ayn c'est qu'est-ce qui est obligatoire à chaque musulman individuellement comme la salat par exemple ça c'est fardu ayn le tawhid la connaissance du tawhid ça c'est fardu ayn le faire le jeûne du ramadan ça c'est fardu ayn c'est obligatoire à chaque musulman mais il y a des furud il y a des obligations si un nombre de musulmans suffisant l'ont mis en pratique ce n'est plus obligatoire pour les autres donc par exemple les ulama ils citent comme exemple de ça par exemple l'ordonnance du bien l'interdiction du mal l'apprentissage des règles de l'islam qui ne sont pas obligatoires comme par exemple apprendre les règles de l'héritage si par exemple t'as pas appris les règles de l'héritage c'est pas un péché pour toi de pas l'apprendre mais si tous les musulmans l'abandonnent et que personne l'étudie là dans ce cas là tous les musulmans sont dans le péché mais s'il y a un nombre suffisant de musulmans qui étudient les règles de l'héritage et qui sont capables de savoir comment diviser l'héritage alors dans ce cas là c'est plus une obligation pour les autres donc ça c'est des exemples de fardu kifaya d'accord et donc on parle pas de qu'est-ce qui est fardu kifaya on parle de qu'est-ce qui est fardu ayn qu'est-ce qui est obligatoire à chaque musulman donc si quelqu'un dans ce cas-là il abandonne qu'est-ce qui est obligatoire à chaque musulman par peur des gens donc ça c'est quelque chose qui vient en contradiction avec la perfection du tawhid. On dit pas qu'il devient mushrik ou qu'il sort de la foi, non. Mais on dit que son tawhid, il va être affaibli parce qu'il a peur des gens. Et il y a le cheikh il note ici aussi que il y a une différence entre la personne qui remet quelque chose à un peu plus tard et la personne qui délaisse complètement. D'accord? Donc si par exemple supposons que quelqu'un, par exemple, il est au travail, c'est l'heure de la salat qui rentre à telle heure. Par exemple, ici, on va dire que nous, à la mosquée, on va prier, par exemple, l'Asr à 3 heures. L'heure de l'entrée de la salat à l'Asr, on va dire que c'est autour de 2h45. Donc, toi, tu es au travail, là, c'est 2h45. Tu dis, bon, étant donné que ma pause est à 3h30, je vais faire ma prière de Asr à 3h30. Ça, il n'y a pas de problème. Tu vas pas dire, j'ai pas prié au moment où le temps est rentré, donc ça veut dire j'ai abandonné l'obligation par peur de mon patron. Non. Parce que, il y a un temps dans lequel tu as un intervalle, hein, de temps dans, entre lequel tu peux faire ta prière qui est correcte. Donc là, tu dis 3h30, c'est pas, disons, trop tard. Hein, il y a encore du temps. Donc, il n'y a pas de problème dans des cas comme ça. Mais c'est lorsque quelqu'un, il délaisse ou il abandonne une obligation, hein, par peur de quelqu'un, puis qu'il la laisse complètement. Là, il y a un problème. Après, le cheikh, il mentionne une autre catégorie de crainte. Il dit, al-khawf al-tabi'i. Al-naw' al-thalith, al-khawf al-tabi'i. وهو الذي جبل عليه الناس أو جمهور الناس وهو خوف الإنسان من عدو محقق ويتخوف من سلوك طريق معين إما للصوص أو لأنه مهجور ويخشى أن تنقطع سيارته وتتعطل فيقول لا أسلك هذا هذا يعني مخوف ولو تعطلت سيارته يغلب على ظنه أنه لا يسعفه أحد فهذا لاتخاذ الأسباب. Donc le cheikh il dit la troisième catégorie de crainte c'est la crainte naturelle, et dans cette catégorie de, pour cette catégorie de crainte il n'y a aucun blâme, hein? C'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine d'avoir peur de certaines choses, tant que cette crainte elle n'est pas illusoire. Tant que cette crainte, elle n'est pas, disons, non fondée. Hein? Donc, du moment que la personne elle a peur de quelque chose qui est réel et qui est concrète, alors dans ce cas-là, c'est justifié. Par exemple, le cheikh il donne comme exemple quelqu'un qui aurait peur de prendre un chemin quelconque parce que sur ce chemin-là, c'est connu qu'il y a des gens qui volent, qui sont des brigands ou des choses comme ça, donc il a peur de se faire attaquer, ou bien c'est un chemin qui n'est pas éclairé et qu'on craint qu'en passant par là, par exemple, on puisse se faire attaquer. Hein, tu ne vas pas passer, par exemple, en pleine nuit dans une ruelle sombre et pas éclairée, et tu sais que dans ce quartier-là, il y a des voleurs, ou il y a des gens qui sont... c'est comme un quartier malfamé où il y a des gens qui se droguent, tu vas éviter ce genre d'endroit. Et il n'y a pas de mal dans ça. Ou si, par exemple, tu vas avoir peur d'un chien qui vient pour t'attaquer, hein, ou bien même des fois, peut-être quelqu'un qui va voir même une abeille qui vient là, il a peur. Peut-être parce qu'il me dit, je vais me faire piquer, si je me fais piquer, je risque d'avoir des problèmes parce que il est allergique, par exemple. Hein? Ou bien quelqu'un qui veut pas emprunter un chemin parce que sur ce chemin-là, il n'y a pas de... Si, par exemple, sa voiture est tombée en panne sur cette route, il n'y a pas de gens qui l'empruntent beaucoup, donc il n'y a personne qui va venir à son secours si jamais il est en panne ou s'il est mal pris. Donc ça fait partie de prendre les causes. Et il n'y a pas de mal à avoir ce genre de crainte-là. Le problème, c'est uniquement lorsque quelqu'un il a peur des choses qui n'existent pas ou qui sont illusoires ou bien qui sont pas réelles. Là, dans ce cas-là, c'est pas correct. Mais sinon, ça ne vient pas en contradiction avec ta foi, si tu as ce genre de crainte naturelle. وقال المصنف رحمه الله ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء يعني يقول الشيخ عبيد رحمه الله حفظه الله تعالى الرجاء أحد مقامات العبادة وهو أمل الإنسان في رحمة الله وعفوه والجمع بين الخوف والرجاء متحتم على العبد ويجب أن يجمع بين الخوف والرجاء أن يخاف من الله ويرجوه لأن الرجاء يطمع في رحمة الله والخوف يردع عن مغاضب الله ولهذا قال بعض أهل العلم الخوف والرجاء جناحان للعبد. Donc le cheikh il explique que parmi les formes d'adoration aussi, et vous allez constater que comme on l'a mentionné l'adoration précédente, la crainte c'est une adoration du cœur, et ici encore c'est une adoration du cœur, ar-raja, l'espoir, donc d'espérer en Allah, Ça, ça fait partie des adorations du cœur. Et le Cheikh, il cite le verset 110 dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Donc, quiconque a l'espoir en la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse une œuvre qui est bonne et qu'il n'associe rien avec son Seigneur dans son adoration, hein, dans l'adoration de son Seigneur, qu'il ne fasse aucune forme de shirk. Donc, Ar-Raja, l'espoir, c'est une des stations de l'adoration, et c'est le fait que l'homme ait espoir en la miséricorde d'Allah et en son pardon, et de réunir entre la peur et l'espoir. Ça, c'est une obligation pour le serviteur, de réunir entre les deux. Pourquoi? Pour qu'il ait l'équilibre dans son adoration. C'est-à-dire que l'espoir, hein, ça va lui faire garder toujours l'espoir en la miséricorde d'Allah. Donc, il va faire plus d'efforts dans les bonnes œuvres, et la crainte qui va le repousser de ce qui amène la colère d'Allah. Ça aussi, ça fait partie des choses qui viennent établir l'équilibre entre les deux situations, entre les deux états. Et comme les ulama l'ont mentionné à ce sujet, ils ont dit que c'est comme les deux ailes pour un serviteur. Si on compare l'homme à l'adoration, si on compare ça à un oiseau, on va dire que l'espoir et la crainte, c'est les deux ailes. C'est qu'est-ce qui stabilise l'équilibre du serviteur. Et les ulama, il y en a d'autres qui ont mentionné que al-mahabba, l'amour, al-hub, yani l'amour, ça fait partie des adorations aussi. C'est une des plus importantes, même c'est l'adoration la plus fondamentale, c'est l'amour, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit, ça c'est comparable à la tête de l'oiseau. La tête qui fait avancer, hein, c'est l'amour qui fait avancer dans l'adoration, puis les deux ailes qui établissent l'équilibre. Si l'oiseau il a un seul aile, il ne peut pas voler. Hein. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont dit, par exemple, si quelqu'un, il exagère dans la crainte, hein, il exagère dans la crainte, eh bien, il va tomber dans un extrême. Et s'il exagère dans l'espoir, il va tomber dans un extrême. Et s'il exagère dans l'amour, il va tomber dans un extrême. Il doit être en équilibre dans les trois. Il dit l'exemple des Khawarij. L'exemple de la secte des Khawarij, c'est des gens qui ont été extrémistes dans la crainte d'Allah. Et ça les a fait tomber dans l'exagération, dans la religion. Ce qui les a amenés à déclarer mécréants tous ceux qui font des grands péchés. Donc, ils ont par la suite rendu leur sang et leurs biens licites. C'est-à-dire qu'ils se sont permis de tuer et de prendre les biens des gens à cause des péchés qu'ils font. Et de les déclarer mécréants et de dire que dans l'au-delà, ils seront dans l'enfer pour l'éternité. Malgré que ce sont des gens qui sont croyants et qui font la salat et qui croient au tawhid et ainsi de suite. Donc ça, c'est un extrême. Et l'autre extrême, ceux qui se sont basés uniquement sur l'espoir, hein, et qui ont délaissé la crainte complètement. Donc ceux-là sont tombés dans un autre extrême et ils sont tombés dans, yani, comme les murji'a qui ont dit non, l'important c'est que tu aies la foi. Du moment que tu as la foi, il n'y a rien qui affecte qui peut l'affecter ou la faire diminuer. Et donc, les péchés n'ont pas d'effet sur la foi. Donc, ils se sont noyés dans les péchés et dans la désobéissance en se basant uniquement sur l'espoir et la miséricorde et le pardon. Donc, ils sont tombés dans un autre extrême. Et à cause de ça, parfois même, ils sont allés jusqu'à la mécréance parce qu'ils se sont noyés dans le péché. Tandis que ça fait deux semaines que j'entends ça. Je ne sais pas si c'est on est mardi aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est chaque mardi, mais il y a quelqu'un qui à chaque fois qui descend les escaliers comme ça. Allah musta'an. Tandis qu'il y en a qui ont exagéré dans l'amour et qui ont dit nous on adore que Allah par l'amour. Hein? On adore Allah que par l'amour. Et on n'adore pas Allah par la crainte ni par l'espoir, juste l'amour. Et ça, c'est ce qu'on appelle les soufis. Ce qu'on appelle les soufis. Et Et à cause de ça, ils sont tombés dans l'extrême aussi, dans l'adoration. Et c'est pourquoi tu vois qu'ils se sont permis de faire plein de péchés également et de dépasser les limites. Et ils ont imité un peu dans ça les chrétiens. Parce que c'est les chrétiens que vous allez voir, par exemple, toujours parler d'amour. Ils disent « Dieu est amour » et puis ils sont toujours en train de dire aux gens « Dieu t'aime, hein, Jésus t'aime » ou des choses comme ça. Je me rappelle que je les voyais souvent comme ça dans les métros, en train de dire ça aux gens. Et ça c'est un autre... C'est-à-dire qu'ils oublient la crainte. Ils laissent la crainte complètement. Ils se basent juste sur l'amour. Et donc à cause de ça, ils tombent dans un extrême puis ils oublient la crainte. Donc ils se permettent de faire tout ce qu'ils veulent, puis après, ils disent non, mais l'important c'est l'amour. Donc le croyant, le musulman, c'est celui qui est en équilibre entre toutes ces adorations-là, entre l'amour, la crainte et l'espoir. Et l'épreuve, comme on l'a dit, par rapport à cette adoration, c'est le verset qu'on a mentionné, et il y en a d'autres aussi. Mais ici, dans celui-là, le cheikh il dit « Al-ayatul karima, faman kana yarju liqa'a rabbihi, fal ya'mal amalan saliha. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. » Yani, yu'ammilu liqa'a Allah, azza wa jal wa yatma. Fa inna hadha attama' la yakfi. Bal, fal ya'mal amalan salihan. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن في الآية دليل على وجوب العمل الصالح، فليعمل عملا صالحا. ونعني بالعمل الصالح كل ما يقرب إلى الله فرضا كان أو مندوبا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دليل الاستعداد للقاء الله عمل الصالحات الخالصة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سواء كان الشرك أكبر وهذا مخرج من الملة أو أصغر وهذا ينافي كمال التوحيد. Donc le cheikh il explique le verset, il dit donc quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, c'est-à-dire il a l'espoir de rencontrer Allah et il souhaite cette rencontre, eh bien c'est pas suffisant d'avoir le souhait et d'espérer, il faut également lire la suite du verset. Allah dit donc qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien avec son Seigneur dans l'adoration. Donc c'est pas suffisant d'avoir juste l'espoir, mais il est obligatoire de faire les œuvres qui sont salih, qui sont bonnes, salihah. Donc il fait les bonnes œuvres, c'est-à-dire tout ce qui rapproche d'Allah, que ce soit obligatoire ou recommandé. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ça c'est la preuve que pour celui qui se prépare à rencontrer son Seigneur, à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il doit faire des œuvres qui sont bonnes et qui sont sincères et pures pour Allah seul, et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration, peu importe que ce soit une forme de shirk majeur, parce que ça fait sortir complètement de la religion, ou une forme de shirk mineur, parce que ça vient annuler la perfection du tawhid, ça vient diminuer la perfection du tawhid. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on continuera la semaine prochaine en expliquant d'autres exemples des différentes formes d'adoration qui sont mentionnés par le cheikh dans la suite de ce livre, donc de Al-Usul al-Thalatha. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.